Bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité au 107. Nous sommes une heure sur Radio Guémozo pour l'émission La parole est à vous. Avec aujourd'hui un dossier consommateur, hein, puisque la presse consumériste, bien sûr, est un peu ralentie au cours de cet été, mais les dossiers sont particulièrement sensibles pour l'été, bien entendu, et on va essayer de les aborder avec vous. Et puis, avec Lia. Salut Lia. Salut Michel. Voilà, alors, un biais d'humeur de Guillaume, d'Arnaud de Blauve, hein, qui parle de Guillaume Pépi, qui vit ces derniers mois à la tête de la SNCF. Mais avant de partir, il a encore quelques guichets à fermer dans les gares. Et on a vu un petit peu la catastrophe que c'était au point de vue des embarquements par la SNCF. Lorsque son long mandat de président de la SNCF s'achève l'an prochain, Guillaume Pépi occupe l'espace médiatique. Télé, radio, presse écrite, il n'a de cesse de défendre son bilan qui, lui, ne lui en déplaise, n'est pas unanimement apprécié. Mais, tel le chat, il retombe toujours sur ses pattes. Un exemple, Guillaume Pépi proclame désormais que la priorité, ce sont les trains du quotidien, qu'il n'y a pas que les TGV dans la vie. Voilà quelques années, il disait l'inverse. Tout pour la grande vitesse, des miettes pour le transport régional, sans doute pas assez tendance. Un billet, ça se prend sur Internet. Soyons justes, le président de la SNCF sait également assumer des mesures qui passent moins bien. Plus facile, évidemment, quand on est sur le départ. La Société nationale s'est lancée dans une politique affirmée de fermeture des guichets. Pour les petites gares, leur sort est réglé depuis longtemps. On n'y trouve plus que des automates. Et s'ils ne fonctionnent pas, il suffit de prendre son billet à bord avec, à la clé, des pénalités alourdies. Mais les grandes gares sont désormais touchées. Le nombre de guichets fond comme neige au soleil. Pour l'été de pensant de SNCF, il faut vivre avec son temps. Mobiliser des agents dédiés à la vente, quel gâchis! Un ticket, ça s'achète avec un ordinateur ou un smartphone. On oublie que tout le monde n'est pas équipé ou à l'aise en informatique. Et puis changer, modifier, annuler un billet, ce n'est pas toujours simple, vu la complexité des tarifs et des règles. Souvent, l'aide d'un humain serait précieuse et les appels au secours ne concernent pas que les seniors. Vous n'êtes pas convaincu de l'utilité d'un sympathique agent assis derrière un guichet ? Après avoir lu toutes les plaintes sur le sujet adressé à Que Choisir, faisons un tour en gare. Un jeudi de mai, devant l'espace billetterie de la gare de Lyon à Paris, la file d'attente compte une quinzaine de personnes. Un vigile, constamment sollicité, fait la police comme il peut. Une fois dans la salle, il faut encore patienter. Sur la vingtaine de guichets, 50% sont ouverts et une trentaine d'usagers poireautent déjà. Vous aurez au moins une heure d'attente, assure un agent d'assistance de la SNCF, un client qui piaffe dans la queue. Et on vous orientera souvent vers un automate. On n'y avait pas pensé. Mais si on n'y va pas, c'est le machin ne peut se régler les problèmes. Sans compter que 3 des 4 bornes situées à proximité sont hors service. C'est maintenant une jeune femme munie d'un billet Ouigo, le TGV low cost de la SNCF, qui arrive déboussolée. « Madame, ils ne pourront rien faire pour vous », l'informe un autre agent. « Voyez, il y a écrit « Billetterie SNCF », pas « Ouigo ». Pour cette offre, tout se passe sur Internet. » Autour d'un touriste anglais, flanqué de son vélo, de se présenter. Heureusement, il semble maîtriser notre langue. 10 minutes plus tard, il repart, découragé par l'attente. « Ah, la France ! Si Guillaume Pépi assume ses restrictions guichetières, il y a des solutions de rechange. Nous allons expérimenter à partir de cet été un outil de vente de billets TER dans les bureaux de tabac. J'y crois beaucoup, car ils sont situés en centre-ville, déclarait-il mi-mai aux Parisiens. Aujourd'hui en France, autre idée, le vidéo guichet, c'est-à-dire l'installation dans les gares où il n'y a pas de personnel, d'un écran grâce auquel vous pourrez dialoguer à distance avec un agent SNCF. Ou encore le guichet mobile, trimballée dans une camionnette qui s'arrêtera sur les parkings de supermarchés. Tout chouette, tout ça, non ? C'était donc de Arnaud de Blove, donc rédacteur de Que choisir ? Voilà, alors que dire par rapport à ça ? Bah, que c'est vraiment une catastrophe, hein, de plus en plus. Hein, on croirait véritablement que la SNCF ne veut pas de clients, ou du moins si c'est des clients obligés, parce qu'il faut bien, quand on n'a pas de véhicule ou simplement qu'on fait des grandes distances, on est obligé de se rendre d'un point à un autre, par exemple pour les vacances, et bien ça devient quand même particulièrement problématique. Hein, on connaissait déjà la SNCF, on a vu la SNCF peu à peu se diriger vers des tarifs de plus en plus compliqués, hein, suivant les jours, les heures de la semaine. Le premier logiciel qui était en cours, c'était un logiciel pour les compagnies d'aviation, c'est-à-dire qu'on essaye de remplir au maximum les trains. Hein, et puis, à ce moment-là, ben, on fait des tarifs de faveur, mais on multiplie aussi le prix des billets, les procédures, etc., etc., à tel point que ben, les clients ne s'y retrouvent pas tellement. Hein, sinon, ben, bien manier Internet. Voilà ce qu'il fallait dire. Hein, et puis là, il y a de quoi faire, effectivement, pour Arnaud de Blove, un billet d'humeur. Hein, et c'est vraiment malheureux, hein, parce que souvent aussi, il faut voir aussi que les distributeurs, les automates, ils sont souvent en panne ou d'une utilisation pas très facile, surtout si on est pressé. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre un train comme ça en vitesse, c'est impossible. C'est impossible, il faut décider des journées d'avance pour pouvoir prendre un train, même à l'échelon d'une région. Voilà ce qu'il fallait dire. Alors, on va changer complètement de sujet et on va parler des secours et des situations de crise. Là encore, en préambule, je dirais que les services publics, là aussi, sont souvent défaillants. L'incendie qui a ravagé en avril dernier Notre-Dame a mobilisé des centaines de pompiers de Paris et des environs. Mais comment les autorités s'organisent-elles pour répondre en même temps à toutes les autres sollicitations du quotidien ? Il y a de l'entraide extra-départementale. À Paris et dans les départements de la Petite Couronne, Haute-Seine, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, avec ses 8500 soldats, il s'agit d'une unité militaire, veille sur les populations. Si un nombre important d'entre eux doit être mobilisé sur un événement exceptionnel, attentat à Syrie, incendie de grande envergure, la capitale et sa proche banlieue ne sont pas pour autant abandonnées. Une assistance extra-départementale se met en place. Des professionnels ou des volontaires des départements limitrophes sont appelés en renfort. Ils s'installent alors dans les casernes, désertés par leurs collègues ou sont prépositionnés à proximité, par exemple sur des parkings d'autoroute. Ce schéma s'applique à tout le territoire. Ce fut le cas dans les Bouches-du-Rhône pour les gros feux de forêt de 2016. Une colonne venue de la Somme a assuré une intervention courante lors du déploiement des pompiers locaux pour circonscrire les incendies. Alors, on revient à Notre-Dame. Cas pratique récent. Lors de l'incendie de Notre-Dame de Paris, les pompiers de la brigade ont été épaulés par des effectifs venus de 7 autres départements. Au total, plus de 600 hommes ont été réquisitionnés, 400 sur le terrain et 200 en logistique. Il y aura une grande solidarité lors d'événements majeurs, explique le colonel Marc Vermeulen, conseiller du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, bien sûr. Du matériel a été prêté afin de mener à bien cette intervention. Ce renfort extra-départemental a aussi permis de combler les postes laissés vacants. Et puis, il y a les crises exceptionnelles. Si l'aide apportée dans les départements voisins ne suffit pas, il faut alors faire appel au COGIC, Centre opérationnel de gestion interministérielle des crises. Ce dernier prépare et met en œuvre les opérations de secours entre les zones de défense au niveau national et international. Le plus souvent, ce sont des sapeurs-pompiers spécialisés, comme ceux qui sont intervenus lors de la marée noire en Bretagne en mars dernier. L'entraide ne s'arrête pas aux frontières de la France. Le COGIC peut demander du renfort à l'Europe. Par exemple, l'envoi d'avions canadairs lors de violents feux de forêt. D'ailleurs, des Canadair français, je crois, sont intervenus au Portugal. Puis le Portugal flambe à nouveau, malheureusement, aujourd'hui. Alors, que dire par rapport à ça ? Ben, on est bien dans une vision parisianiste des choses, parce qu'en province, c'est quand même un peu différent. Un peu différent, parce que si vraiment il y a une catastrophe majeure dans un département, c'est quand même difficile d'avoir, d'avoir de l'aide de l'extérieur. Et puis, il y a le quotidien où, véritablement, hors période touristique, certaines stations sont quand même assez démunies. Il faut faire des kilomètres pour... les sapeurs-pompiers font des kilomètres pour pouvoir intervenir. Il y a lié à ça le SMUR, les urgences hospitalières, qui s'éloignent de plus en plus et ont de moins en moins d'effectifs, hein, avec ce que cela suppose, c'est-à-dire des transports de plus en plus longs. Et les sapeurs-pompiers se plaignent déjà aujourd'hui de devoir, dans perspective de suppression de postes à l'hôpital de Remiremont, de devoir faire des trajets de plus en plus longs. Parce que pendant ces trajets, bien entendu, ils sont, la plupart du temps, c'est des bénévoles, ils ne sont pas à leur activité propre ou professionnelle. Et puis, bien sûr, il y a une perte de temps, une perte de chance pour les blessés et pour les blessés potentiels. Or, malheureusement, là, on retrouve aussi un certain service public avec des bénévoles, bien entendu, qui sont largement débordés en cas de, en cas par exemple de crise exceptionnelle. Hein, il peut en survenir, après tout. Hein, on connaît aussi le vieillissement de nos centrales atomiques. On peut craindre quelquefois le pire sur des crises assez exceptionnelles. Et d'ailleurs, Que Choisir avait publié quelques années en arrière des dossiers par rapport aux interventions du SMUR, du SAMU, etc. Et les Vosges n'étaient pas à l'époque très bien classés, à mon souvenir. Voilà, puisqu'on parle de sécurité... J'ai trouvé un article dans Que Choisir qui est intéressant. C'est survivre à un mouvement de foule. Une foule peut se transformer en piège mortel en cas de bousculade. Les bons gestes pour échapper au pire. On l'a vu dans une certaine rave party, là, ce que ça peut donner avec les forces de l'ordre déterminées à en découdre avec des manifestants ou simplement des personnes qui entendaient festoyer en toute tranquillité. Attention, il y a un danger réel. Rencontres sportives, manifestations, concerts, événements religieux. Un cas de bousculade, une foule peut devenir dangereuse. Parmi les exemples récents, en 2006, puis en 2015, à la Mecque, plusieurs centaines de pèlerins ont perdu la vie et autant ont été blessés. Ça n'a pas fait des grands titres dans les journaux, mais n'empêche que c'était bien des mouvements de foule, une densité de foule bien trop importante par rapport au lieu d'accueil. En 2010, en Allemagne, au cours du festival de musique Love Parade, deux personnes sont mortes piétinées et quelques 500 autres ont été blessées. Et 7 ans plus tard, à Turin, en Italie, lors d'une retransmission d'un match foot sur écran géant, un mouvement de panique a provoqué le décès d'une femme et blessé plus de 1500 supporters. Oui, on ne parlera pas des événements plus récents, des demi-finales et des finales de la Coupe d'Afrique. Hein, c'est d'une autre nature. Il n'empêche que là aussi, il y a eu des mouvements de foule ou des négligences qui ont pu créer des drames. Alors, il y a des réflexes en toutes circonstances à avoir. D'abord, évaluer la densité de la foule. Si vous touchez involontairement une ou deux personnes qui vous entourent, éloignez-vous du cœur ou de la congestion. Concernant votre posture, restez à tout prix bien campé sur vos jambes, en prenant garde aux objets au sol, comme les sacs à dos. Ne posez jamais le vôtre par terre, et même n'en emportez pas avec vous. Si votre condition physique ne vous permet pas de résister à la pression, renoncez au grand rassemblement, et pour la même raison, n'y entraînez pas d'enfants. Si la densité augmente et que vous ne pouvez plus faire, vous ne pouvez plus fuir, repliez les bras devant vous pour protéger votre cage thoracique. Évitez la proximité des parois, murs, grillages. C'est toujours près de ces obstacles solides que les blessures sont les plus graves. Quand ça bouge, si une vague se forme dans une foule dense, laissez-vous porter. Toutes les études montrent qu'il est inutile de résister. Les forces mises en œuvre étant considérables. En revanche, en cas de panique soudaine, dans un groupe plus clairsemé, prenez un instant pour évaluer la situation, car la menace n'est peut-être qu'imaginaire. Nombre de mouvements de panique ont été provoqués par de simples pétards. Au cours de l'évacuation, s'abstenir de pousser permet paradoxalement à la cohue de s'écouler plus aisément, comme lorsque l'on verse un liquide à travers un entonnoir. Procéder trop brusquement est contre-productif. Voilà, c'est inspiré par une publication de Mehdi Moussaïd, chercheur en sciences cognitives de l'Institut Max Planck de Berlin et auteur du récent ouvrage « Le comportement des foules ». Fouloscopie. Voilà, étude humaine science. Voilà, exactement. Voilà, c'est d'ailleurs une revue qui est payante. Mais voilà, mais c'est quand même bon de rappeler au cours de cet été, parce que l'été, c'est les grands rassemblements, c'est souvent aussi l'occasion de fêtes en plein air, avec des foules assez importantes, donc de rappeler comment survivre à un mouvement de foule. Hein, il y va de son intégrité physique la plupart du temps. Bon, ben on va peut-être s'accorder une pause musicale, si Lia le veut bien. Mais oui, elle le veut bien. Elle est tout sourire, elle rentre de vacances, donc il n'y a pas de problème. Les cheveux défaits, ils se regardaient dans l'odeur des pins, du sable et du thym qui baignaient la plage. Ils se regardaient tous deux sans parler, comme s'ils buvaient l'eau de leur visage. Et c'était comme si tout recommençait. À percer. Et quand ils se sont éveillés, c'était comme s'ils venaient au monde dans le premier matin du monde. La mer sans arrêt coulait ses galets. Quand ils ont couru dans l'eau les pieds nus, comme deux oiseaux, sous le baiser léché de leur bouche tendre. Et c'était comme si tout recommençait. La vie, l'espérance et la liberté, avec le Et voilà, c'était deux enfants au soleil. Ben, on retrouve avec une. Je retrouve où on retrouve avec une certaine nostalgie donc, ces chansons des années 60, très poétiques, et puis en même temps, ben, bien sûr, c'était un petit peu le moment de l'amour libre. On pensait que l'amour n'avait pas de limite, etc. Et puis il y a eu des maladies qui sont intervenues, qui ont freiné un peu cette consommation amoureuse, j'allais dire, hein, au moins dans les esprits. Voilà, on va changer complètement de sujet, mais bon, c'est vrai qu'on pouvait parler de sécurité, de secours en situation de crise, et puis de la situation aussi à la SNCF pendant l'été, parce que c'est quand même important pour les consommateurs qui se déplacent, pour les consommateurs de loisirs aussi, pourrait-on dire. Alors, on va parler, on est au 50e anniversaire, n'est-ce pas, de la conquête spatiale, enfin, de l'arrivée de l'homme sur la Lune. Alors, j'ai trouvé un article, toujours que choisir, qui parle « Un grand pas pour les consommateurs hein, ». Armstrong avait dit « Un petit pas sur la Lune, un grand pas pour l'humanité ». Mais c'est un grand pas aussi pour les consommateurs. Alors, on peut paraître étonnant parce qu'on se dit que ça fait quand même une masse de richesses énorme qui était consacrée à cette exploration spatiale hein, et puis à ce voyage de quelques hommes sur la Lune. La course aux étoiles n'est pas qu'un défi de scientifiques. La plupart d'entre nous profitons tous les jours des technologies aérospatiales. Des télécommunications ouvert en tirailleurs, en passant par le thermomètre auriculaire. Alors, il faut faire faire un tour d'horizon. Jour historique, le 21 juillet. On est le combien aujourd'hui ? On est le 22, c'était hier ? Le 23, on est. Ah, le 23, pardon. Oui. L'Américain Neil Armstrong, cet avant-hier, était le premier homme à poser les pieds sur la Lune. 12 ans après le lancement d'un satellite par l'URSS. Ce même mois que Choisir s'inquiétait de l'arrivée de la publicité à la télévision et testait 3 produits novateurs. Les hôtes de cuisine, les autocuiseurs et les fers à friser. Le lien entre les deux est moins éloigné qu'il ne paraît. Nos collègues de l'époque n'imaginaient pas à quel point les inventions liées à l'espace allaient révolutionner notre quotidien. Les satellites, bien utiles, et les découvertes scientifiques de la conquête spatiale trouvent leurs applications les plus concrètes avec les satellites. Ces engins jouent en effet un rôle crucial dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour les prévisions météo, nos déplacements grâce au GPS ou les télécommunications. Ils permettent aussi de mieux comprendre notre planète. Ils repèrent les zones de sécheresse, aident les agriculteurs à mieux gérer les aléas climatiques. Ils ont aussi sans doute sauvé beaucoup de vies en détectant le trou dans la couche d'ozone, l'alerte ayant permis de le résorber avant qu'il ne soit trop tard. Les retombées du ciel maintenant. Tous les jours, vous utilisez des objets issus des technologies développées par les astronautes de la NASA. Des semelles intérieures, des chaussures pour amortir les chocs. Ouvert anti-rayures, en passant par les matelas à mémoire de forme, dont les matériaux ont été conçus pour réduire l'impact de l'atterrissage. Côté alimentation, citons la nourriture lyophilisée ou les filtres à eau, le capteur d'image peu énergétique, équipe aujourd'hui smartphone et appareil photo. Certaines inventions ont profité de la course aux étoiles, même si elles sont apparues avant. Ainsi, le téflon a d'abord revêtu des poils avant d'habiller les navettes spatiales. Le velcro lui a été popularisé par la mission Apollo. Le détecteur de fumée amélioré pour être installé dans la station Skylab. Maintenant, dans l'univers médical, le thermomètre auriculaire à infrarouge repose sur une technologie de mesure de la température des étoiles. L'assistance ventriculaire, cette pompe mécanique que l'on implante chez un patient souffrant d'insuffisance cardiaque, a été développée par des ingénieurs travaillant sur les moteurs des fusées du programme Apollo. Les pompes à insuline et machines à dialyse sont aussi inspirées de travaux spatiaux. L'imagerie par résonance magnétique, les fameux IRM, qu'on retrouve un peu partout, dans des hôpitaux ou dans des cabinets privés, elle a été adaptée initialement pour examiner la surface de la Lune, sans oublier les couvertures de survie inventées par la NASA pour protéger ses équipements. Alors, ça va d'une comète aux punaises de lit. L'Europe n'est pas en reste. En 20 ans, l'Agence spatiale européenne a permis plus de 300 transferts de technologie. Le robot Philae, qui s'est posé sur la comète Tchoury en 2014, embarquait un spectromètre de masse. Il est maintenant utilisé pour détecter la signature chimique du cancer de la prostate et le traquer. Les punaises de lit, autre exemple. L'échographie réalisée à distance entre l'Université de Tours et la Station spatiale internationale, un espoir pour les déserts médicaux. Voilà, c'est vrai que les technologies spatiales appliquées à notre quotidien ont beaucoup apporté. Hein, et puis, c'est quand même quelque part un juste retour parce que c'est des collectivités qui ont payé finalement ces recherches spatiales. Donc, lorsqu'elles sont appliquées à notre quotidien, ça paraît un juste retour des choses. Voilà. Avant de s'accorder notre pause musicale, on pourrait parler de certains litiges de consommation, Alors, on a des résiliations soudaines de contrats. Hein, je reprécise bien que je change complètement de sujet. On passe de l'application de la recherche spatiale à notre quotidien. Et un lecteur de Que Choisir, un adhérent du Union fédérale des consommateurs, dit « Il y a quelques jours, j'ai reçu une lettre avec accusé de réception de la part de Vitogaz. Ce courrier me signifiait que la société rompait le contrat qui nous liait depuis 2007. Celle-ci se référait à son article 11 qui stipule que chacune des parties peut le dénoncer à tout moment. Je suis abasourdi. Tout l'aménagement de notre maison de campagne était conçu en fonction du gaz. Son occupation était moins fréquente que nous le pensions et de ce fait, notre consommation d'énergie moins importante. À mon avis, nous ne sommes pas assez rentables pour Vitogaz. Les frais réclamés pour éviter la résiliation avoisinent 1 500 euros. Une telle pratique est révoltante. » Voilà, que dire par rapport à ça, bien évidemment, de plus en plus, les secteurs d'énergie ont été privatisés. Qu'une concurrence s'est installée. Alors, est-ce que c'est toujours cette concurrence au bénéfice du consommateur en diminuant les tarifs ? Dans le domaine du gaz, je ne crois pas que ce soit le cas. Hein, bien au contraire, parce que c'est vrai qu'une compagnie qui trouve qu'un client n'est pas assez rentable peut résilier son contrat. Et malheureusement, c'est le cas quelquefois, et là, c'est Vitogaz. Alors, je ne vais pas faire de contre-publicité, puisqu'on ne veut pas de publicité, mais quand même, méfiez-vous des contrats avec Vitogaz, et puis de toute façon, quel que soit l'opérateur, bien examiner son contrat avant de souscrire. Mais c'est valable pour tout contrat dit synalagmatique. Alors, un autre lecteur se plaint des visites médicales. Avec des honoraires en liquide. Depuis un accident, c'est cité de l'œil gauche, je suis astreint tous les 2 ans à une visite médicale chez un médecin agréé pour mon permis de conduire. Je suis étonné qu'il me demande systématiquement de régler la somme de 33 euros en liquide et non en chèque ou carte bleue. Est-ce normal ? Alors voilà, ça c'est une question qui est souvent posée. Hein, aux unions de consommateurs, bien entendu, hein, pas seulement l'UFC. Et puis, moi, j'ai constaté aussi que des personnes, par exemple, qui passent des visites parce qu'elles ont, par exemple, perdu le permis ou bien il y a des restrictions possibles par rapport à la conduite automobile, et qu'on les force à donner de l'argent liquide pour payer cette visite médicale. La réponse est non. Le médecin ne peut pas imposer à son patient un mode de paiement, en l'occurrence un règlement uniquement en espèces. C'est l'article R4127-53 du Code de la santé publique. Cette interdiction vise tout praticien, y compris celui qui contrôle l'aptitude à la conduite. Celui-ci est inscrit sur une liste établie par la préfecture de votre département, article R226-2 du Code de la route. Vous pouvez signaler cette pratique illégale en écrivant au président du Conseil de l'Ordre des médecins du département où exerce ce docteur. Après l'avoir invité à s'expliquer, cette instance peut prononcer une sanction disciplinaire, avertissement, blâme, radiation du tableau de l'ordre. Si un médecin n'adhère pas à cette association de gestion agréée, il peut refuser les règlements, soit par chèque, soit par carte bancaire. Mais il doit accepter au moins deux modes de paiement et en informer ses patients par un affichage dans son cabinet. Voilà, c'est l'article L112-1 du Code de la consommation. Ben, il n'empêche que, par exemple, à la préfecture des Vosges, c'est vrai que les visites médicales sont payantes et qu'on exige, et que le médecin exige de l'argent liquide. Ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises en accompagnant des personnes qui devaient passer une visite médicale, pour trouver leur permis, par exemple. Ou simplement pouvoir être déclaré apte à la conduite. En sachant d'autre part que cette visite auprès d'un médecin agréé par la préfecture peut se doubler avec des tests psychomoteurs, etc., qui coûtent bien plus cher encore et qui sont payés, alors je ne sais pas si c'est payé par chèque ou en argent liquide, mais en tout cas, perdre son permis et puis essayer de le retrouver est particulièrement coûteux et contraignant. Alors, pour ceux qui s'alcoolisent un peu trop, ben prudence, hein, il vaut mieux faire bien attention à ne pas perdre son permis, parce que, ou bien des excès de vitesse répétés, etc., etc. Bon, il y a aussi des possibilités pour les chauffards, j'allais dire, enfin les conducteurs un peu trop pressés, un peu trop imprudents de retrouver son permis par des stages. Par contre, quand il s'agit par exemple d'alcoolémie, ou autre drogue, j'allais dire, ou autre. Eh bien, là, on se retrouve devant des contraintes absolument faramineuses pour retrouver son permis, même si on a le test gamma-GT soit, disons, négatif. Voilà. Alors, on reparle. Oh ben non, on va s'accorder une pause musicale quand même, hein, parce que je parle beaucoup. Et puis, il faut reprendre un peu son souffle, et puis en même temps faire le point un petit peu sur les différents courriers qui peuvent poser des questions consommateurs. J'ai connu le temps où coulent les enfances, tout doucement au début de la vie. Le temps de l'école, le temps de l'innocence, et du chagrin, et du bonheur aussi. J'ai laissé passer ce temps qui va trop vite, si j'ai tout vu pendant trop peu d'années. Je n'ai pas connu le temps des marguerites, feuillus sont nés, feuillus se sont fanés. Puis est arrivé le temps de mes ivresses, de mes alcools aux mauvais souvenirs. Et les yeux gonflés, le temps de la paresse, où l'on se tue à force de dormir. Et je suis resté en attendant la suite dans cette vie de vide enrubannée. Je n'ai pas connu le temps des marguerites. Feuillus sont nés, feuillus se sont fanés. J'ai connu le temps de la désespérance, où l'on s'enlise un peu plus chaque jour, où les yeux ouverts on attend de la chance, plus que la mort s'il ne vient pas l'amour. Que dans l'avenir on vante mes mérites, ne croyez pas ce que les gens diront. Je n'ai pas connu le temps des marguerites. Feuillus naîtront, feuillus se faneront. Ben voilà, un peu de nostalgie aussi. Quand on est un petit peu allongé sur la plage... qu'on pense au printemps qui s'enfuit, puis à la grande chaleur de l'été. Le temps des marguerites. Alors, un petit détail quand même, vous pourrez voir qu'il n'y a pas d'orchestration. Hein, c'est-à-dire, Maxime Le Forestier là, est dans ses débuts et chante directement des chansons de sa composition particulièrement poétiques. Ça nous change quand même de beaucoup d'interprétations modernes qui font que... les paroles sont souvent couvertes par l'orchestration. Or, c'est pas très bon, ni pour l'orchestration, qui est souvent excellente, ni pour le chanteur, qui n'est pas forcément mauvais. En tout cas, je trouve que cette mode aujourd'hui, et puis même ça existe aussi dans certains films, de faire couvrir les paroles par l'orchestration, ça me semble assez déplorable pour l'auditeur. Voilà, que dire encore par rapport aux litiges qu'on peut rencontrer. Ah ben les fameux péages. Eh ben il n'y a pas de véritable frein sur les tarifs. Et un lecteur de Que choisir de dire, j'emprunte souvent l'autoroute. L'autoroute Léane, c'est la 41 du Nord, entre Alonzio, La Caille, c'est bien ça, et Saint-Julien en Genevois, sur le réseau Area et Adelac. J'ai constaté une explosion des tarifs. Si une portion qui coûtait 4,50 € en 2018, le prix est passé à 4,90 € en 2019, ce qui représente une hausse de 8,9%. N'existe-t-il pas une limite à toutes ces augmentations ? À la suite du mouvement des Gilets jaunes, Area avait annoncé que les particuliers bénéficiaient désormais d'une réduction exceptionnelle de 30% sur l'ensemble des trajets. Mais ce nouvel abonnement est lié au numéro d'immatriculation, donc impossible de l'utiliser pour plusieurs voitures. Quant au covoiturage, il n'est pas encouragé puisqu'un passager ne peut pas faire profiter de son badge le conducteur qui l'amène. À l'heure où l'on veut réduire le nombre de véhicules sur les routes, quelle belle mentalité, dit ce lecteur. Il y aurait pourtant deux solutions, proposer un abonnement associé à des trajets fixes et non à un numéro de plaque et grouper plusieurs abonnements sur un seul badge. Le numérique le permet. Voilà donc ce lecteur mécontent qui interpelle, c'est Bruno Caron. Par courrier électronique, bien sûr, à Que choisir. Alors, le dessinateur de Que choisir a eu vraiment un trait d'humour. Vous avez une personne derrière un guichet, et puis, au péage, bien entendu, c'est marqué péage, et puis une cliente. Non, pardon, une guichetière et un client. Alors, le client est dans son automobile, et lui demande, vous faites un tarif pour les gilets jaunes ? Et la guichetière de répondre, oui, c'est 10% de plus. Voilà. Voilà, alors parlons aussi des virements bancaires. Ah, les virements bancaires. Aucun droit à l'erreur. Faites bien attention aux virements bancaires. J'ai effectué par Internet, dit... Ce lecteur, un virement de plus de 500 euros et je l'ai adressé à un mauvais destinataire. Mon banquier m'a affirmé qu'il ne pouvait rien exiger légalement, mais il m'a proposé de procéder, moyennant 15,50 euros de frais, à une demande de remboursement. Cette enquête est toutefois laissée à la libre appréciation du titulaire du compte où est allé l'argent. J'ai accepté et la procédure est enclenchée. Après 10 mois d'attente, l'établissement bancaire du bénéficiaire n'a toujours pas répondu. Me confirmez-vous que je n'ai aucun recours ? Voilà la question qui était posée à l'UFC Que Choisir. Et la réponse, en cas d'erreur commise lors de la saisie du destinataire d'un ordre de paiement, votre banque n'est pas responsable. C'est l'article L133-21 du Code monétaire et financier. Vos chances d'être remboursées sont en pratique limitées. La réglementation prévoit néanmoins qu'elle doit vous porter assistance pour que les fonds vous soient restitués et adressera donc une requête à l'établissement bancaire du bénéficiaire qui, par retour, lui communiquera toutes les informations utiles. Si elle ne parvient pas à récupérer votre argent, elle sera tenue de les mettre à votre disposition, vous permettant ainsi d'entrer en contact avec le destinataire du virement. Article L133-21, alinéa 3 du Code monétaire et financier. Vous lui demanderez de vous reverser la somme indûment payée. S'il refuse, vous envisagerez alors une procédure devant le tribunal d'instance de son lieu de domicile. Article 1302 du Code civil. À défaut de remboursement, il vous faudra alors prouver par tous les moyens que le paiement ne lui était pas dû. Eh bien oui, hein, devant un tribunal, il ne faut pas y aller avec sa bonne parole, il faut y aller aussi avec des preuves. Bon, c'est peut-être pas difficile à prouver, mais c'est quand même une procédure particulièrement lourde. Mais l'article 1100, je crois que c'est 1183 du Code civil, prévoit que celui qui a indûment perçu une somme doit la restituer. Et donc, on peut penser que le tribunal lui donnera raison. Mais que de démarches pour une simple erreur. Alors, évitez les erreurs. Hein, quand on manie de l'argent, on a intérêt à éviter les erreurs. Hein, c'est comme si on perdait un billet de 500 euros. C'est vraiment le comble. Alors, on va parler coiffure. Tiens, on va couper les cheveux en quatre. Alors, des mèches qui virent à l'orange. Une amie est allée chez le coiffeur faire éclaircir des mèches qui ont viré à l'orange. Alors, est-ce que c'est le fameux syndrome orange, le fameux produit orange là, qui était utilisé au Vietnam, je ne sais pas, qui ont viré à l'orange. Ce dernier lui a demandé de revenir, prétextant qu'il fallait intervenir plusieurs fois pour obtenir un beau blond. Et à nouveau, le résultat était un désastre. Mon ami a déboursé au total 400 euros. Puis elle s'est rendue dans un autre salon de coiffure où elle a été obligée de couper ses cheveux de 10 cm. Elle a donc dépensé 100 euros supplémentaires. A-t-elle un recours contre le premier coiffeur ? Alors, c'est de François XII. Hein, c'est un mec qui parle de ça. Il a dû voir que son ami viré à l'orange. Alors, la réponse de Que Choisir ? Oui, votre ami peut engager la responsabilité professionnelle de son coiffeur. C'est l'article 1231 du Code civil. Hein, c'est l'obligation de faire ou de ne pas faire. Pour celui qui connaît un petit peu les arcanes du Code civil. Elle lui reprochera d'avoir manqué à son obligation d'information et de conseil si la teinte choisie n'était pas adapté à la nature ou à l'état de sa chevelure. C'est l'article, il se réfère à l'article 1112-1 du Code civil. Le coiffeur, lui, doit prouver qu'elle en a été avisée. Il peut aussi être tenu pour responsable en cas de faute dans la coloration réalisée. C'est le cas, par exemple, si votre ami a fait la preuve qu'il n'a pas respecté les doses recommandées. En l'absence d'éléments probants, celui-ci adressa une réclamation à ce salon avec des photos pour un arrangement amiable. elle peut se faire aider par une association locale de consommateurs, bien sûr, et pourquoi pas l'UFC Que Choisir. Voilà, ça t'amène des réflexions. Ça m'est déjà arrivé, les expériences capillaires, donc... Et alors, dites-vous voir un petit peu. Il faut faire attention à ses cheveux, et puis en passant, les produits chimiques sont quand même à éviter sur les cheveux, parce qu'ils passent dans l'organisme, tous ces produits que les coiffeurs nous mettent sur les cheveux. Donc on peut le faire, mais il faut quand même espacer. Et faut vraiment faire attention de ne pas solliciter, ressolliciter tout le temps ses cheveux avec les produits. À des charges des coiffeuses, je vais appuyer l'expression féminine, parce que c'est quand même les coiffeuses les plus nombreuses. Ah, mais le mien est un homme. Ah oui. C'est une chance ou c'est au contraire une malchance? C'est une grande chance. Ah bon? Oui, oui. D'accord. Il est plus empressé auprès de toi, c'est ça? Mais je sais pas, c'est une approche différente. Alors, il travaille avec une coiffeuse avec qui je m'entends très très bien, mais voilà. Et c'est vrai que ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils font très attention. Ils vont pas appliquer un produit ou faire quelque chose sur ton cheveu si c'est pas adapté. Quitte à perdre la prestation, ils le feront pas, quoi. Donc bien ça, sûr. C'est appréciable. Bien sûr, parce que c'est quand même coûteux, hein, ces traitements capillaires. Enfin, je suppose que c'est plutôt dans la région... Non, c'est dans le 83. Enfin, dans le 83, c'est pareil que la région parisienne. Mm-hmm. C'est assez cher, hein, c'est le Var. Et donc les prestations sont particulièrement chères, surtout pendant la saison. Mais enfin, bon, ne jouons pas les mauvaises langues. Alors, moi, j'ai quelques commentaires de mon côté, parce qu'il faut voir que les colorants blonds qui étaient utilisés... c'est quand même amélioré quand même, parce que c'était extrêmement dangereux, puisque c'était des produits cancérogènes. Ah oui. Alors on peut se demander combien de cancers du sein en particulier, ou autres cancers plus spécifiquement féminins, j'allais dire, ont été provoqués par ces produits chimiques de coloration des cheveux. C'est difficile à évaluer, parce que bien sûr, il n'y a pas eu véritablement d'études épidémiologiques en la question. Hein. Oui. Comme cette oramine qui était utilisée comme colorant jaune, qui était extrait de, je crois, de la houille. Ah oui? Du charbon, oui. Bah oui, c'était des produits chimiques. Je pense qu'aujourd'hui, les teintures capillaires ont quand même fait des progrès par rapport à leur qualité et à leur... l'ammoniaque aussi, hein, qui était beaucoup utilisé hein, pour décolorer. Je crois que là encore, les femmes qui soignaient elles-mêmes leurs cheveux, il y a quand même dans les produits chez les professionnels quand même des améliorations de ce côté-là et une exposition qui est moins importante. Et c'est étonnant aussi que le cancer est pratiquement pourrait être catalogué comme une maladie professionnelle chez les coiffeuses en particulier, hein, parce que évidemment, il fut un temps où les coiffeuses ne maniaient les produits sans gants, hein, pour les appliquer sur la tête de leur patiente, j'allais dire, au point de vue cutané, ça pouvait être catastrophique à la longue d'être exposé avec les produits permanents, les ammoniaques, etc., qui étaient soupçonnés quand même de provoquer des troubles très importants sur la santé des coiffeuses. Vraiment, les coiffeuses cumulent pas mal d'inconvénients dans leur profession. D'abord, la station de boue, hein, avec les problèmes d'irrigation des jambes, hein, des varices, etc. Les problèmes de bras levés, hein, même si on règle les fauteuils, qui occasionnent aussi des problèmes de TMS, de troubles musculo-squelettiques. Ça, les produits chimiques qui sont maniés, ça faisait beaucoup, beaucoup de choses. Puis les coiffeuses, et beaucoup de coiffeuses, sont atteintes de pathologies, y compris cancéreuses. Voilà ce qu'il fallait dire quand même. Hein. On peut dire que c'est un beau métier, mais que malheureusement, il y a des inconvénients professionnels sont particulièrement nombreux. Voilà. Et puis bien sûr, il y a les clients irascibles aussi. Les clients ou les clients irascibles aussi. Ça, c'est sûr. Hein. En général, c'est pas le cas des mecs, hein, parce qu'ils soignent moins leur apparence. Je sais pas. Voilà, on va s'accorder une nouvelle pause musicale.

Certains ont été menacés et ont vu leur magasin saccagé après s'être exprimé. Explique Florian Baize, animateur de la section fruits et légumes du syndicat Coordination Rurale. Il met en avant les risques sanitaires de ces produits, dont on ne sait dans quelles conditions ils ont été cultivés. Vendus sans respecter la chaîne du froid, à hauteur des pots d'échappement et parfois posés à même le sol. La pratique de la vente au déballage est légale, à condition de suivre certaines règles. Mais les contrôles sont trop rares, selon la profession. Il y a deux vendeurs d'oranges à 600 mètres des bureaux des services de la répression des fraudes, avec des cajots par terre et sans affichage de prix. C'est ce que dit Sébastien Hérault. Nous ne comprenons pas ce laxisme. Si nous faisions pareil, nous aurions fermé boutique depuis longtemps. Son activité de vente directe à la ferme, elle, est inspectée tous les ans. Et même lorsqu'il y a contrôle, les sanctions ne sont pas dissuasives. C'est ce qu'observe Christelle Tessèdre, marchande de primeurs à Brézac, dans le 46, et présidente de la Fédération Saveur Commerce. L'amende encourue en cas de vente, ne respectant pas la durée légale, s'élève à 1500 euros. Les contrevenants qui n'acceptent que du cash payent et continuent comme si de rien n'était, regrette-t-elle. Alors, pour Florian Baize, l'une des solutions serait que les contrôles ne portent pas sur les vendeurs, mais sur les sociétés qui les approvisionnent. Très structurées, multiplient les implantations, et font travailler les vendeurs sous le statut d'auto-entrepreneur, souvent dans des conditions difficiles. Il s'agit d'un fonctionnement semi-mafieux, alerte les professionnels. Ils ne demandent pas l'interdiction des ventes au déballage, mais un redoublement des contrôles de la répression des fraudes et de l'inspection du travail. Fin 2018, lors du débat sur la loi agriculture-alimentation, les fédérations ont réclamé le renforcement des pouvoirs des maires avec un amendement qui leur a permis de refuser l'installation des vendeurs au déballage sur leur commune. Il a été rejeté. Voilà où on en est aujourd'hui. Alors, c'est vrai que c'est souvent des produits de à part bien sûr les producteurs eux-mêmes hein, qui prennent en main leur comme il s'agit par exemple du bleuet des Vosges hein, pour citer lesquels. Là on peut pas dire les normes sont respectées. En même temps, c'est les producteurs eux-mêmes qui vendent. Tandis qu'il y en a des autres au déballage. Les fruits, par exemple, sont de très mauvaise qualité, il faut le dire. Hein. Souvent complètement verts, cueillis assez tôt pour être primeurs, mais au point de vue gustatif, au point de vue qualité, c'est vraiment assez déplorable. Voilà, hein, même si vient d'Alsace, etc., comme on voit au bord des routes. Ben voilà, je crois qu'on arrive au terme de ce magazine consommateur. Merci de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Et puis, rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle émission. La parole est à vous. Merci, Lia. Salut, Michel.